Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des brocheuses aux libraires, la fabrique des livres à succès. Je ne sais plus quel grand poète étranger appelle la France le soldat de Dieu. Voilà en effet plus de 12 siècles qu'elle semble agir, combattre et vaincre pour le monde. C'est ainsi que débute la préface de l'histoire de France de Victor Duruy pour une édition de 1864. Victor Duruy est alors ministre de l'instruction publique et monsieur le ministre précise « J'aurais voulu me tenir à égale distance des violents de tous les partis ». Et sans jamais cacher la vérité, la dire. Voilà ce que j'ambitionne de faire pour la fabrication d'un livre. Quelles sont les petites mains qui permettent à l'auteur de réaliser ses ambitions ? Jean-Charles Geslot, bonjour. Bonjour. Commençons cette aventure à l'autre bout du monde. Traversons le globe et arrivons en Nouvelle-Calédonie. Mais que faisons-nous en Nouvelle-Calédonie dans cette histoire du livre ? Alors, on se rend compte que le livre, justement, voyage. Et nous sommes au début du XXe siècle. Nous avons un journaliste qui vient faire un reportage en Nouvelle-Calédonie, au bagne de Nouméa. Et il rencontre un bagnard qui est un ancien régicide. Il a tenté d'assassiner le tsar en 1867 à Paris. Il s'appelle Antoine Berezovski. Et dans la cahute du bagnard, le journaliste découvre des livres, beaucoup de livres, et notamment l'histoire de France de Victor Duruy. Nous sommes 70 ans après la rédaction de l'ouvrage, on est à des dizaines de milliers de kilomètres, et on retrouve dans cette cahute cet ouvrage au milieu d'un tas de vieilleries infestées de rats. Et c'est un bon exemple de cette circulation des livres et du succès que peut avoir des histoires de France, notamment à cette époque. Histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy, Jean-Charles Geslot, c'est l'ouvrage que vous proposez aux éditions du CNRS avec cette amorce. C'est vrai qu'il nous intrigue de dire que certains livres traversent le monde et puis surtout traversent bien ou moins bien les décennies. C'est vrai que l'histoire de France de Victor Duruy aujourd'hui est un tantinet moins lu. Oui, tout à fait. Alors, pourtant, elle a eu à son époque un grand succès. Elle est parue dans les années 1850. La dernière édition date de 1913. Donc, vous avez quand même plusieurs générations qui l'ont eu entre les mains. Mais après la Grande Guerre, l'ouvrage est passé de mode. Il est tombé en désuétude. Ce qui n'est pas le cas d'autres histoires de France qui sont restées assez connues, comme celle de Michelet, évidemment, qui est celle qu'on connaît le plus, qui est peut-être la seule du 19e siècle qui a encore aujourd'hui une certaine actualité, quelque part. Elle est encore régulièrement réédité, alors que celle de Victor Duruy, qui ne représente pas une étape majeure dans l'historiographie, dans la façon d'écrire l'histoire de France, voilà, est passée de mode. Elle a eu du succès parce que sur le point de vue formel, elle pouvait attirer le public, mais voilà, à partir du XXe siècle, ce n'est plus le cas. Cette histoire était destinée à qui ? Alors au départ, elle était destinée à des élèves des collèges et des lycées. Alors il faut rappeler qu'au 19e siècle, les élèves des collèges et des lycées sont uniquement des enfants des élites. L'enseignement secondaire est payant. Et donc uniquement, ces établissements sont uniquement fréquentés par des enfants de la bourgeoisie, essentiellement. Et c'est donc à la base un manuel scolaire pour apprendre l'histoire de France. Et puis l'ouvrage a eu un certain succès auprès de ces jeunes, mais les programmes changent, donc le manuel n'est plus adapté. Et la société Hachette, qui quand même tient à capitaliser sur le succès qu'il a eu, le transforme en ouvrage grand public, pour un grand public cultivé. Et donc, le public cible change à partir de là. Et on va même réussir à diversifier les formes du texte pour atteindre également un public plus populaire dans les décennies qui suivent. Voilà, donc c'est des publics qui évoluent au fil des décennies. Énorme succès d'édition de cette histoire de France de Victor Duruy. D'ailleurs, quelques mots sur l'auteur, Jean-Charles Geslot, vous le connaissez bien parce que vous avez réalisé sa biographie Victor Duruy, historien et ministre, c'est bien de le mettre dans ce sens-là, 1811-1894. Qui est-il ? Victor Duruy, donc on le connaît surtout aujourd'hui comme ministre de l'instruction publique. Il a été pendant 6 années, entre 1863 et 1869. C'était le ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. Il est, pour l'anecdote, il est le puisqu'on en parlait récemment à propos de Jean-Michel Blanquer, il est le pas le recordman, mais il est le deuxième après son prédécesseur Gustave Roulant à avoir la plus grande longévité à ce poste pour l'histoire du ministère de l'Instruction publique devenu de l'Éducation nationale. Mais avant d'être ministre, donc il est professeur d'histoire, il est normalien, agrégé, docteur. Il a coché toutes les cases du cursus honorum classique et il est à cette époque-là donc professeur dans les grands lycées parisiens. Et c'est également un auteur de manuels scolaires à succès, comme je le disais tout à l'heure, un historien assez reconnu comme vulgarisateur, comme écrivain d'histoire, plus que comme chercheur. C'est pas quelqu'un qui a révolutionné l'histoire ni la recherche. Il fait pas beaucoup de travail en archives. C'est plutôt un compilateur qu'un chercheur. Jean-Charles Geslot, je vous laisse présenter votre démarche Histoire d'un livre, parce que c'est extrêmement pertinent et c'est un régal de lecture. Qu'avez-vous voulu faire avec cette histoire d'un livre? Ce livre, c'est l'Histoire de France de Victor Duruy. Alors, j'ai voulu faire une histoire du livre à travers un livre, c'est-à-dire prendre un peu le contre-pied des histoires qui existent aujourd'hui du livre au XIXe siècle pour l'étudier à une autre échelle, à l'échelle vraiment micro-historique, si je puis dire, l'échelle d'un objet, pour voir à travers lui comment se faisait cette chaîne du livre au XIXe siècle dans ce monde du livre papier qui peut sembler aujourd'hui non pas préhistorique, mais à l'ère de l'écran et des livres numériques, évidemment, c'est un temps qui peut sembler en partie révolu. Et donc j'ai voulu aussi, pour rendre peut-être plus concrète les évolutions de cette époque, prendre vraiment un exemple très précis et me confronter à ces livres, à cet objet, rentrer dans les ateliers d'imprimeurs, rentrer dans les ateliers de brochage, entrer dans les librairies pour voir très concrètement comment se passait la fabrication, la diffusion du livre. Et puis, comme je m'intéresse aussi beaucoup au travail des historiens au XIXe siècle, prendre cet ouvrage, ça permettait concrètement, là encore, de voir comment un livre d'histoire se diffusait, mais aussi comment il était conçu, comment il était produit, si je puis dire, par son auteur, et m'intéresser donc là encore aux réalités presque matérielles du travail de l'historien au XIXe siècle, à l'ère où il n'y a pas toutes les sources numérisées facilement accessibles, comment un historien pouvait-il travailler. Voilà, le but c'était vraiment de rendre les choses concrètes, notamment pour les étudiantes, les étudiants qui travaillent dans l'histoire du livre, et pour qui les manuels qui existent, qui sont évidemment de très grande qualité, ne correspondent pas forcément à des choses très concrètes parce que ce n'est plus forcément des éléments qui parlent beaucoup aux générations actuelles. Et puis pour le moindre lecteur, la moindre lectrice, c'est aussi un immense plaisir de suivre comme ça, une à une, ces étapes. Et Jean-Charles Geslot, vous commencez avec, et l'idée est très intéressante, pertinente, mais alors tellement difficile, la conception du livre. Eh oui, d'où vient l'idée d'un livre ? Cette question me déroute et m'exalte à la fois. Voilà pourquoi je vous écris à nouveau, afin que vous me receviez. Converser avec vous, je le crois, m'aiderait grandement dans mon projet de roman, qui pour l'heure s'intitule « Moby Dick ». Puissiez-vous reconsidérer mon offre ? L'inconnu. C'est là que mon imagination aspire à s'aventurer. Aussi, la question me hante sans fin. Comment en vient-on à connaître ce qui ne peut l'être ? Sincèrement vôtre, Herman Melville. C'est fermé. Plus de pensionnaires après 8h du soir. Dans le film de Ron Howard, Au cœur de l'océan, en 2015, la naissance de l'idée de Moby Dick. Nous sommes en 1851, quand Melville publie Moby Dick, donc un contemporain de Victor Duruy. La recherche de la naissance de l'idée est extrêmement complexe. Jean-Charles Geslot, comment avez-vous travaillé pour réfléchir au moment où Victor Duruy commence à penser une histoire de France ? Nous sommes à quel moment déjà ? Nous sommes au tout début des années 1830. Nous sommes dans l'année scolaire 1832-1833. Victor Duruy est en troisième année de l'école normale supérieure. Il passe l'agrégation, il la passe sous la direction de Jules Michelet, qui, à cette époque-là, lance la publication de sa monumentale Histoire de France, qui va occuper toute sa vie, hein, jusqu'à la fin des années 1860. Et il est dans un contexte, les deux hommes évoluent dans un contexte, justement, où l'Histoire de France est à la mode, en quelque sorte. C'est le moment où il faut écrire une Histoire de France, où tout le monde, j'ai envie de dire, veut écrire une Histoire de France, parce que nous sommes au lendemain de la Révolution de 1830, qui apparaît pour beaucoup comme une sorte de fin de l'histoire, comme une sorte d'achèvement de cette histoire de France compliquée, notamment dans les dernières décennies, évidemment, avec les remous provoqués par la Révolution de 1789. Et cette Révolution de 1830 représente pour beaucoup comme une sorte d'aboutissement. On est enfin arrivé à un régime, la monarchie de Juillet, qui fait la synthèse entre la tradition monarchique millénaire de la France et les apports beaucoup plus récents de la Révolution, et qui, pour beaucoup, comme Victor Duruy, sont une sorte de juste milieu, sans jeu de mots, qui va permettre de synthétiser un peu ces deux traditions. Donc, l'Histoire de France paraît terminée. On a enfin atteint le point d'équilibre institutionnel, politique, social du pays. Et donc, pour beaucoup, il y a l'idée que c'est le moment de récapituler cette histoire, de montrer comment on en est arrivé là. Et donc, c'est très à la mode d'écrire l'Histoire de France. Il y a aussi derrière des intentions plus politiques, plus idéologiques. Les libéraux qui sont partisans de l'héritage révolutionnaire, eh bien, veulent montrer à quel point la Révolution est légitime, est donc l'aboutissement logique de l'Histoire de France. Donc, pour ça, il s'agit d'écrire cette histoire. Et donc, ils répondent plutôt à un courant monarchiste catholique qui veut montrer que la Révolution est une aberration, n'aurait pas dû arriver, et que le régime légitime, c'est la monarchie, et qui, de leur côté, écrivent une Histoire de France pour montrer à quel point cette révolution n'aurait pas dû arriver. Donc il y a un combat idéologique derrière, malgré en effet ce régime qui est censé synthétiser les deux traditions. Les deux traditions perdurent et continuent à s'opposer. Victor Duruy, justement, lui s'inscrit dans une tradition monarchiste. Comment pourrions-nous le qualifier de manière, on va dire, avec des mots simples sur le champ politique, qui est très complexe? Parce que il écrit sous la monarchie de Juillet, il devient ministre sous Napoléon III, sous le Second Empire. Donc, en soi, la monarchie ne lui pose pas de problème, mais les hommes du 19e siècle et les femmes aussi sont tiraillés entre tous ces grands mouvements, entre la République, la monarchie, qui prend des formes différentes. Oui, alors, en fait, c'est assez simple de le définir. Mais le mot que je vais employer n'est pas si simple que ça. C'est un libéral. Un libéral au sens où on peut l'entendre au XIXe siècle, c'est-à-dire il est attaché aux principes révolutionnaires et c'est en même temps un patriote, attaché à ce que la France maintienne son rang, ou en tout cas le rang que les plus patriotes veulent bien lui attribuer. Et pour Victor Duruy, dans ce siècle où les régimes changent assez régulièrement, tous les 15-20 ans, eh bien la nature de régime lui importe peu. Il n'est pas justement ou monarchiste ou impérialiste, bonapartiste ou républicain. Il ne l'est pas foncièrement, mais il le sera tour à tour, finalement. Finalement, il se rallie aux régimes qui sont capables d'assurer à la fois le respect des principes révolutionnaires et la grandeur de la France, quelque part. Donc il sera monarchiste sous la monarchie de Juillet, il sera bonapartiste sous le Second Empire, et il sera républicain sous la Troisième République. Pas par opportunisme, c'est pas une girouette, mais c'est quelqu'un qui, par résignation, constate que les régimes, finalement, réussissent à respecter ces principes, et donc se rallie à eux jusqu'à ce qu'ils chutent, et qu'ils doivent se rallier à un autre qui, à nouveau, vient répondre aux vœux qui sont les siens. Victor Duruy est né en 1811, il a donc connu l'Empire dans sa prime jeunesse, il a connu ensuite la Restauration, il a connu la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire, et il meurt en 1894. Il a donc connu la Troisième République. C'est un parcours d'homme du 19e siècle, c'est un parcours d'historien aussi. Jean-Charles Gesselot, comment travaille un historien au 19e siècle ? Il travaille finalement beaucoup comme aujourd'hui, Internet en moins. Il travaille à partir de livres et d'archives. Alors évidemment, pas avec les mêmes outils qu'aujourd'hui, y compris les outils papier. Il n'y a pas forcément tous les inventaires, tous les catalogues qui facilitent beaucoup le travail aujourd'hui. L'historien travaille donc en archives lorsque il travaille sur les archives, donc ce qui n'est pas le cas, je l'ai dit, de Victor Duruy, mais il a déjà accès aux archives nationales, aux archives départementales, occidentales hein, qui ont été créées par la Révolution et qui offrent à ces historiens eh bien, énormément de documents, mais voilà, qui sont encore en phase de classement pour beaucoup. Ils travaillent beaucoup à partir des collections de livres également, des bibliothèques, sachant que, alors, Victor Duruy a de la chance, il est parisien, il habite au cœur du Quartier Latin, donc il a accès à toutes les ressources, évidemment, des grandes bibliothèques parisiennes de l'époque, que ce soit Sainte-Geneviève, la Sorbonne, ou la Bibliothèque Royale, puis Impériale, puis actuellement Nationale de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme beaucoup de ses collègues, il fréquente assez peu, finalement, ces bibliothèques, parce qu'il a chez lui une importante collection d'ouvrages. J'avais pu retrouver le catalogue de sa bibliothèque au moment de sa mort, puisque, comme pour beaucoup d'intellectuels richement dotés en livres, les héritiers se débarrassent de ces collections de livres dont eux n'ont pas vraiment l'utilité, qui prend beaucoup de place et crée beaucoup de poussière. Et donc, il y avait j'ai pu retrouver ce catalogue de vente qui avait été imprimé pour les acheteurs potentiels. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est l'état de sa bibliothèque à sa mort, ce qui n'est que donc une photographie à un moment donné. On n'a pas tout l'historique de sa bibliothèque. Bon, mais dès les années 1850, on sait par d'autres sources qu'il a une bibliothèque relativement importante et qu'il peut travailler beaucoup chez lui, dans le calme de sa maison, et qu'il fréquente finalement assez peu les bibliothèques. Il n'y va que lorsqu'il a besoin d'un ouvrage qu'il n'a pas dans ses collections personnelles, voire il n'y va pas du tout, il envoie quelqu'un. Puisque par exemple à la bibliothèque impériale à l'époque on peut emprunter des ouvrages contrairement à aujourd'hui, et il envoie des proches chercher les ouvrages pour lui et les rapporter à la maison. Voilà, donc c'est comme ça qu'il travaille, que ce soit à Paris ou bien dans sa campagne, comme on dit à l'époque, sa maison de campagne qui est à Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas à l'époque la ville très développée d'aujourd'hui, où il peut vraiment travailler dans le calme dont il a besoin pour la rédaction. Voilà, apparaissent ces petites mains autour de l'auteur, les archivistes, vous les avez cités, ses proches, ces gens qui l'envoient chercher quelques documents. Victor Duruy, historien, rédige son Histoire de France. Bah oui, enfin voilà, ça fait un tas de papiers avec beaucoup de choses dessus, mais il faut en faire quelque chose. La figure de l'éditeur dans cette histoire. Alors qui est l'éditeur ? Bah, c'est la figure centrale, bien sûr, de toute la chaîne du livre à partir du 19e siècle. L'éditeur du livre qui nous intéresse ici, donc c'est Louis Hachette. Alors, c'est peut-être l'éditeur par excellence du 19e siècle, étudié par Jean-Yves Mollier, qui a bien mis en avant le rôle qu'il avait pu avoir. C'est un éditeur extrêmement dynamique de Paris. Et il est le modèle d'éditeur parce que c'est capitaine d'industrie, véritablement, hein, qui émerge au 19e siècle, qui conçoivent l'édition comme non seulement évidemment un secteur symboliquement très marqué hein, culturellement par la sacralité du livre comme objet de culture, mais qui le conçoivent également, alors on peut le regretter, comme des produits commerciaux qu'il faut vendre et vendre le plus possible, ce qui est la base évidemment d'une entreprise commerciale qui cherche à se développer. Et donc l'histoire de France de Duruy est prise dans ces logiques qui peuvent sembler concurrentes, voire contradictoires, entre la sacralité du livre et la désacralisation mercantile de l'ouvrage. Mais finalement, c'est ce qui va lui permettre d'assurer le succès du livre, parce que Louis Hachette, par son génie commercial, par les stratégies qu'il met en place, eh bien, est celui qui va assurer aussi le succès du livre. Et dans cette histoire du livre, dans toutes ces étapes que vous retracez, Jean-Charles Gesselot, histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy, il y a bien sûr le manuscrit qui arrive aux mains de l'éditeur, mais là aussi, l'éditeur seul avec son manuscrit ne peut pas faire grand-chose. Et dès lors, c'est une chaîne entière qui se met en place, disons-le tout de suite, qui existe déjà. C'est un fonctionnement qui est extrêmement rodé et depuis très longtemps, la publication du livre. Oui, c'est... Pour l'essentiel, les choses se sont mises en place au XVe siècle, hein, au moment de la mise au point de l'imprimerie par Gutenberg. C'est un épisode évidemment assez connu de l'histoire. Mais même ce système qui se met en place au XVe siècle hérite très largement de formes qui existaient déjà à l'ère du manuscrit ou du parchemin. Entre ce milieu du XVe siècle et le XIXe siècle, les techniques n'ont pas beaucoup changé dans la production des livres. Il y a eu assez peu d'évolution. L'idée, c'est que il faut évidemment imprimer l'ouvrage, c'est évidemment l'essentiel, hein, ce qui permet de le reproduire à l'infini, si on veut, de façon beaucoup plus rapide qu'en le recopiant à la main, bien sûr. Et donc, en effet, il y a toute une série de métiers, toute une série d'étapes dans ce processus de fabrication, qu'on conçoit pas forcément bien aujourd'hui, où c'est très largement mécanisé, mais c'est justement à partir du 19e siècle que la mécanisation va s'approfondir, sans totalement faire disparaître tous ces métiers manuels qui participent à cette chaîne de fabrication. Alors, c'était le cas par le passé, vous évoquez Gutenberg, bien sûr, mais c'est le cas longtemps après Victor Duruy, et sans doute aujourd'hui, toujours, nous retrouvons ces étapes. Écoutez, Jean-Charles Gesselot, eh bien, nous sommes en 1964 dans Bretagne Actualité, et un ouvrier du livre raconte toutes les étapes de la fabrication. En préliminaire à la fabrication proprement dite, nous avons d'abord la maquette, nous passons ensuite à la composition, et ensuite la mise en page. La mise en page qui comprend la disposition des textes et des illustrations. Après la mise en page, nous pensons ensuite à l'impression. L'opération suivante après l'impression consiste au façonnage du volume. Pliage d'abord des différentes pages, des différentes feuilles, de manière à former des cahiers. Assemblage ensuite de ces cahiers, couture de ces cahiers et passage en colle du dos du volume pour former un seul bloc. La couverture est exécutée à part avec soit de la toile, soit du papier collé sur carton. L'intérieur de ce volume est ensuite rogné vif et prêt à recevoir la couverture. Nous étions en 1964, Jean-Charles Gesselot, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et même, j'ai envie de dire, à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont parfois à imprimer un mémoire ou un document à rendre à un professeur, par exemple, si on est étudiant ou élève, les choses n'ont pas changé. On compose le texte, ensuite on le met en page, ensuite on imprime et enfin on le façonne. C'est-à-dire qu'on écrit le texte, on assemble les lettres les unes après les autres. Ensuite, on le met en page, on va justifier le texte, on va ajouter les titres, etc. Ensuite, on imprime, aujourd'hui avec son imprimante. Hier avec les presses, et puis enfin on le façonne, on va le faire relier avec une spirale, on va mettre un transparent devant. C'est exactement les mêmes étapes qui n'ont pas changé depuis Gutenberg, c'est juste évidemment la façon de faire qui a changé. Ce qui est intéressant dans toutes ces étapes, c'est la spécialisation des métiers. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le monde de l'édition, nous intéresse parce que nous avons à chaque fois des gens qui maîtrisent un savoir, mais un savoir très spécifique à chaque étape. Oui, vous avez employé le bon terme, c'est le monde des métiers. C'est le monde des métiers artisanaux liés à des techniques extrêmement spécifiques qu'il faut maîtriser, qu'on apprend sur le tas. On est encore dans un monde qui n'est pas totalement industrialisé, qui n'est pas totalement mécanisé, et où le génie humain, j'ai envie de dire, en tout cas le geste humain, joue un rôle extrêmement important. Il y a toute une série de petits métiers qui sont de petits. Alors c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça. Vous avez les compositeurs, les metteurs, les relecteurs, les imprimeurs, les brocheurs, les relieurs, les brocheuses, les relieuses, parce qu'il y a aussi des femmes qui interviennent dans ces processus, qui correspondent à autant de spécialités différentes. Et le manuscrit, pour devenir le livre imprimé en définitive que le lecteur aura entre les mains, passe par toute une série de mains de gens qui ont des compétences très, très parcellisées finalement pour aboutir à la fabrication du livre. Et dans ce monde de l'édition, il y a cette spécificité de la connaissance livresque. Tous les métiers, et ça nous le voyons sans cesse, même artisanaux, nécessitent un immense savoir transmis de diverses manières. Mais ici, et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette maîtrise de la lecture. Pour pouvoir composer la page d'un livre, il faut pouvoir la lire. Et oui, tout à fait. Traditionnellement, les compositeurs, ceux qui vont transformer le manuscrit en texte, textes, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce travail de d'alignement des ce qu'on appelle les types, hein, ce qui a donné la typographie. Ces types sont ces petits cubes de métal sur lesquels sont gravées les lettres qui vont former la matrice, une fois qu'elle sera assemblée, sur laquelle on va poser la feuille et la presser pour que l'encre préalablement à poser sur les types s'imprime sur le papier. Eh bien, ces compositeurs, comme ils composent le texte, ils doivent lire le manuscrit, évidemment, au fur et à mesure. Et donc, il faut qu'ils sachent lire. Alors, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément pour des ouvriers au 19e siècle. Et donc, traditionnellement, les compositeurs forment une élite ouvrière. Ils sont en général assez mobilisés, hein, aussi, d'un point de vue social. Ils ont des intérêts à défendre. Ils sont très politisés parce qu'ils sont d'un niveau culturel bien supérieur, en général, à celui des autres ouvriers. C'est la figure de l'ouvrier typographe. Vous avez cité Jean-Charles Gesslot, la révolution de 1830, ce monde de l'ouvrier typographe est partie prenante de cette révolution. Oui, tout à fait, les typographes participent à cette révolution de 1830, notamment alors sous une forme assez violente, hein, puisqu'ils se livrent à des actes qu'on appelle de ludisme, de bris de machine, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de la révolution pour aller casser des presses mécaniques qui avaient été installées notamment à l'imprimerie royale, parce que ces presses mécaniques, eh bien, participent de ce processus de mécanisation qui tue l'emploi, le travail manuel, hein, en quelque sorte, si je fais simple. Et donc, ils sont, en effet, parmi les plus mobilisés, d'autant plus que cette révolution de 1830, elle commence par ces quatre ordonnances prises par Charles X, notamment l'une qui restreint la liberté de la presse, donc qui restreint de fait l'activité du monde de l'imprimerie. Et ce qui explique l'implication très forte de ce monde de l'imprimerie, d'autant plus qu'il est, je l'ai dit, beaucoup plus politisé. L'ouvrier typographe. Vous êtes ici dans le service de la composition. La composition, c'est l'art d'assembler différents matériaux, de les assembler d'une façon originale en vue de constituer différents éléments. Le métier de ces hommes s'appelle le métier de typographe. Tout l'art du typographe réside dans la mise en place, dans l'ordonnancement de ces matériaux pour les répartir en harmonie dans le format déterminé. La mesure en typographie est le point d'ido. Trois points valent un peu plus d'un millimètre. Chaque corps est rangé dans un tiroir appelé case. La distribution de la case est pareille pour toute la France, les lettres dont on se sert le plus étant les plus proches de la main pour faciliter le travail. Nous étions en 1963 dans l'émission des métiers et des hommes à propos des typographes qui évoquent les matériaux. Mais bien sûr, là encore, l'ouvrier typographe ne peut rien faire s'il n'a pas de métal. Déjà, parce que ces types, ces caractères, enfin, sont fabriqués en métal, de l'encre et du papier. Jean-Charles Gesslot, tout ça entre en compte dans cette réflexion sur l'histoire d'un livre. Le papier, le 19e siècle, c'est aussi un bouleversement dans la manière de fabriquer le papier. Oui, tout à fait. Alors, on l'imagine peut-être pas aujourd'hui où les papiers, on le sait, sont fabriqués à base de bois essentiellement, ou bien il y a tous les processus de papier recyclé. En fait, au 19e siècle, jusqu'aux années 1870 essentiellement, le papier n'est pas fabriqué à partir de bois, il est fabriqué à partir de vieux linges qui sont récupérés dans les rues par les chiffonniers. Il y a tout un commerce, hein, qu'on n'imagine pas aujourd'hui, de vieux linges dont ces chiffonniers s'emparent et revendent à des papetiers. Et les papetiers, par toute une série de procédés chimiques avec lesquels on va pas embêter les auditeurs, les auditrices, récupèrent la cellulose qui est au cœur de ces fibres textiles et en font une pâte qui va former la pâte à papier, hein, par des processus de séchage évidemment qui permettent d'aboutir aux feuilles qui vont être dans les imprimeries pour imprimer les livres. Donc on est dans une révolution, mais c'est pas le seul élément de cette révolution, parce qu'un autre élément, alors qui est plus précoce, qui qui date du tournant du 19e siècle, c'est la mise au point du papier dans un conditionnement nouveau. Jusque-là, il était fabriqué feuille à feuille, un peu comme des ramettes, si vous voulez, aujourd'hui, pour les imprimantes. Mais on met en place plutôt, alors ce qu'on connaît dans les rotatives, par exemple, de la presse, c'est du papier en bobine. Ce qui est beaucoup plus facile à utiliser après dans les machines d'imprimerie, il suffit d'enclencher la bobine sur la machine et par les processus, évidemment, les cylindres et les engrenages, la machine va tirer le papier et le faire passer dans la machine jusqu'à l'impression. Et puis, il va y avoir un système après de découpage mécanique des feuilles. Voilà, donc c'est tous ces procédés qui évoluent et qui permettent finalement de faciliter la production de papier, de faciliter son utilisation après et d'accélérer la production de livres. Victor Duruy, qui a vu toutes ces transformations, assiste aussi au changement de la nature même de ce support papier. Le papier chiffon tellement résistant, quand nous touchons des livres anciens, nous voyons qu'ils ont pu traverser les siècles et de manière assez robuste, quand d'autres, beaucoup plus récents, souffrent en fait de leur nature même. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de papiers qui sont utilisés pour des livres qui, alors ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, cette désacralisation, des livres qui sont de très médiocre qualité, le but, hein, c'est de vendre des produits les moins chers possibles pour qu'ils se vendent au maximum. Et bien sûr, il s'agit de baisser les coûts de production. Et pour baisser les coûts de production, notamment, on va chercher des matériaux qui coûtent moins cher, donc des papiers de mauvaise qualité qui, au fil des années, au fil des décennies, des manipulations, vont se dégrader assez rapidement, ce qui donne aujourd'hui dans les bibliothèques ces ouvrages finalement difficiles à consulter parce que le papier s'effrite, les pages se détachent, les bords se partent en morceaux. Voilà, donc on a ça et c'est l'une des dérives de cette librairie industrielle qui se développe au 19e siècle et aussi dans la presse également où les journaux sont réputés ne pas vivre longtemps, donc on n'a pas besoin d'avoir un papier très résistant. On n'est pas dans une perspective de patrimoniale, de conservation, bien sûr, à long terme de ces documents. Il nous faut un peu d'encre dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que cette encre ? Alors, l'encre, c'est un peu comme le papier, c'est un peu issu de produits de récupération. On est, là encore, depuis l'époque moderne, essentiellement dans une encre qui est basée sur de l'huile, notamment de l'huile de lin. C'est des produits, là encore, végétaux, comme le papier, à la base. Et cette huile, on y ajoute des produits, ce qu'on appelle le noir de fumée, qui vont permettre de colorer l'huile, et donc de faire l'encre. Et alors, ce noir de fumée, là encore, on est vraiment, c'est vraiment de l'écologie avant terme, on est dans la récupération, du recyclage. Ce sont des vieux matériaux, c'est des os, par exemple, d'animaux récupérés, je sais pas, chez les bouchers. Ça va être du tartre, ça va être de la lie de vin également qu'on va faire cuire pour donner une espèce de poudre qu'on va mélanger donc à cette huile de lin, et là encore en fonction des proportions de l'une et de l'autre et par un certain nombre de procédés chimiques, on obtient des encres de plus ou moins bonne qualité qu'on va réserver à certains types de publications. Les gravures auront les encres les plus précieuses, les plus durables, et puis voilà, pour des productions plus populaire, de moins bonne qualité, on utilisera, là encore, des encres de moins bonne qualité, donc moins chères. Ça y est, Jean-Charles Geslow, nous avons un texte, c'est déjà pas mal, nous avons le typographe qui a travaillé, nous avons du papier et de l'encre. Reste à visiter l'atelier d'imprimerie. Les curieux, ébahis, ne prenaient jamais garde aux inconvénients du passage à travers les défilés de l'atelier. S'ils regardaient les berceaux formés par les feuilles étendues sur des cordes attachées au plancher, ils se heurtaient le long des rangs de casse ou se faisaient décoiffer par les barres de fer qui maintenaient les presses. S'ils suivaient les agiles mouvements d'un compositeur grappillant ses lettres dans les 152 castins de sa casse, lisant sa copie, relisant sa ligne dans son composteur en y glissant une interligne, ils donnaient dans une rame de papier trempé, chargée de ses pavés. Jamais personne n'était arrivé sans accident jusqu'à deux grandes cages situées au bout de cette caverne qui formaient deux misérables pavillons sur la cour et où trônait d'un côté le prote, de l'autre le maître imprimeur. Nous étions en 1837 avec Marion Malenfant qui lisait cet extrait des Illusions perdues de Balzac à l'atelier d'imprimerie en province. Mais là aussi, Jean-Charles Gesselot, nous sommes avec Balzac sous la monarchie de Juillet. Mais cette description d'atelier prendrait des formes sans cesse différentes tant l'évolution technique permet d'imprimer de plus en plus vite et de mieux en mieux. Oui, tout à fait. La presse, qu'on appelle la presse à la base, hein, donc qui n'est pas la fabrication de journaux comme on l'appelle aujourd'hui, mais qui correspond techniquement à ce procédé qui consiste à appuyer donc la feuille de papier sur les types préalablement enduits d'encre, pour imprimer. Eh bien, elle se mécanise beaucoup. C'est toujours dans la même logique que j'évoquais à l'instant, de fabriquer plus et plus vite. Bon, on a toute une série d'améliorations techniques des machines qui nous viennent essentiellement d'Angleterre ou d'Allemagne au début du siècle, et puis ensuite les ingénieurs français vont à leur tour développer pas mal d'innovations, notamment avec les rotatives dans les années 1860. Et ces nouvelles machines qui nous viennent d'Outre-Manche ou d'Outre-Rhin, eh bien, sont fabriquées en métal déjà, ce qui assure une plus grande solidité. Sont également pourvus de cylindres, ce qui facilite le passage des feuilles dans les différentes étapes du travail, et elles permettent donc de produire plus vite, elles permettent de produire plus grand également, parce qu'à partir du moment où ce sont des travailleurs manuels qui mettent le papier, il ne faut pas que les feuilles de papier soient plus grandes que la largeur des bras. Donc à partir du moment où c'est des machines, on peut prévoir des feuilles d'imprimerie plus larges où on va pouvoir imprimer beaucoup plus de textes, beaucoup plus de pages, parce qu'il faut bien concevoir que on n'imprime pas par page comme aujourd'hui avec une imprimante. On imprime sur une feuille d'imprimerie qui est beaucoup plus grande qu'une page de livre plusieurs pages en recto verso, alors selon un ordre évidemment bien précis, et une fois que ça a été imprimé, on va découper on va plier et découper pour former des livrets qu'on va assembler ensemble pour former le livre. Donc il y a toute une série d'améliorations techniques qui se font jour pour, je le disais, fabriquer plus et plus vite, aux imprimeurs de suivre le mouvement évidemment et de se former progressivement pour pouvoir gérer ces machines. Nous avons cette grande feuille avec plein de pages. Alors c'est plié, hop, nous formons des cahiers. Mais là aussi, nous avons de nouveaux métiers sans cesse à évoquer dans les petites mains de la fabrique du livre à succès. Celles qui vont brocher, la notion même de brocher le livre est essentielle. Jean-Charles Gesselot, les brocheuses, et j'utilise le féminin, est un métier, alors spécifiquement féminin sans doute pas, mais malgré tout dans cette chaîne de l'édition, nous voyons qu'il y a des genres selon les différents métiers. Oui, tout à fait. Le monde de l'imprimerie correspond au ce qu'on appelle la répartition genrée des activités, hein, qui marque le monde du travail au 19e siècle, pas seulement dans ce secteur-là. On attribue aux femmes certains métiers qui, pense-t-on, dans les représentations très sexistes de l'époque, eh bien, renvoient à leur fonction naturelle, entre guillemets. Hein. Et le brochage, notamment, est beaucoup confié à des femmes au milieu du 19e siècle. En France, la moitié des personnes qui travaillent dans le monde de la reliure sont des femmes, ce qui est beaucoup plus, par exemple, que pour la composition, où c'est seulement un tiers des femmes, hein, qui composent les ouvrages. Pourquoi est-ce qu'on confie ça de manière privilégiée à des femmes? Ben parce que le brochage, c'est une activité de couture, tout simplement. Il faut bien se rendre compte, quand on regarde un livre encore aujourd'hui, s'il est donc broché et pas collé, on voit que, en fait, c'est un ensemble de livrets qui ont été solidarisés entre eux par un travail de couture. Hein, si on enlève si on prend un vieux livre et qu'on arrache la reliure en carton ou en cuir, on voit du fil, hein, parce que ces ouvrages ont été cousus avec une broche, d'où le nom de brochage. Et on confie ça évidemment à des femmes. On va pas faire coudre à des hommes, évidemment. Hein, je plaisante, bien sûr. Oui, non, mais c'est intéressant, hein, de voir comment, dans les représentations qu'il y a de la société, nous retrouvons un effet dans les métiers eux-mêmes, avec toutes ces étapes. Donc là, nous avons, le livre, l'histoire de France de Victor Duruy, enfin imprimé. Brochet, il peut se vendre déjà ce livre ? Oui, tout à fait. C'est le format brochet qui existe encore aujourd'hui. Il y a deux possibilités pour acheter un livre, soit il est broché, soit il est relié. Alors brochet, donc il sera simplement cousu et puis on va coller sur la première page une simple couverture en papier ou en carton de médiocre qualité, sans effet particulier. Ou alors, pour des éditions plus luxueuses, on va le relier. Alors là intervient un autre métier, donc le relieur, qui va ajouter à ce volume broché une couverture, alors plus épaisse, pour mieux le protéger, mais aussi pour lui rendre un aspect plus agréable. Alors le mieux, hein, ce sera des reliures en cuir, souvent de veau, alors c'est amusant parce que il y a un peu des systèmes d'options, un peu comme pour une voiture aujourd'hui. Alors vous allez pouvoir avoir l'option complète où toute la couverture sera en cuir, c'est pour les éditions plus luxueuses, avec le dessus gravé en lettres d'or le titre, l'auteur, etc. Ou alors la version semi-luxueuse où vous n'aurez que le dos du livre qui sera en cuir à peu près jusqu'à la moitié de la couverture avec là encore marqué sur le dos le nom de l'auteur en lettres dorées. Simplement, ça c'est pour ceux qui vont ranger dans la bibliothèque leur ouvrage, il y a besoin juste de voir le dos, il n'y a pas besoin de couvrir tout le livre de cuir, ça ne sert à rien. Dans cette stratégie de faire du livre un signe extérieur de richesse, d'avoir chez soi dans son salon une belle bibliothèque bien agencée tout en cuir, pour les matuvus de l'époque, on va dire, c'est idéal. Ça coûte pas trop cher et ça permet d'avoir le plus bel effet possible à l'œil dans son salon. C'est une décision de l'éditeur de proposer ces différentes options ou alors c'est chacun va chez le relieur et demande le type de reliure qui l'intéresse. Alors les deux, mon capitaine, comme dirait dans Moby Dick, il y a des éditeurs qui, en effet, là encore, ça fait partie des stratégies commerciales, proposent différents formats avec différents prix. Il y a une gamme assez variable de prix pour leurs livres. Ils vont proposer la version brochée, semi-reliée, reliée. Il y a toute une série de. On peut prendre des options, comme je le disais, en fonction de son porte-monnaie, en quelque sorte. Ou bien, on peut très bien acheter le livre simplement broché et aller soi-même chez un relieur faire relier son ouvrage parce qu'on a soi-même une esthétique particulière qu'on apprécie. Il y avait différents types de reliures, différentes couleurs, etc. Et si on veut une bibliothèque d'une certaine teinte, on va aller soi-même relier pour être sûr d'avoir toute sa bibliothèque bien unie dans une seule et même couleur. Donc c'est des stratégies différentes. On est loin de la situation actuelle où finalement l'acheteur n'a pas beaucoup de prise sur son livre. Il peut toujours, aujourd'hui ça se fait plus beaucoup, mais il peut toujours aller chez un relieur et faire relier son livre, mais en général les couvertures sont suffisamment plaisantes pour qu'on n'ait pas besoin de modifier l'aspect extérieur. Oui, voilà, nos seules options bien souvent c'est la version poche ou la version d'édition ou normale numérique. Mais ça y est, et oui, numérique, vous avez raison Jean-Charles Gesselot, nous avons notre livre, notre histoire de France de Victor Duruy, alors broché ou relié, ça y est, elle est là, elle est imprimée. Une des choses frappantes dans ce métier, d'ailleurs, France Culture, je crois que nous ne sommes pas les seuls à nous en apercevoir, c'est l'accélération du cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Voilà, l'accélération du cours de l'histoire dans les métiers de l'imprimerie. Jean-Charles Gesselot, dans cette histoire d'un livre, Histoire de France de Victor Duruy, vous racontez que ça y est, le livre étant là, attention, ce n'est pas fini, parce que maintenant il faut le vendre, mais il y a l'étape du dépôt légal à la Bibliothèque nationale qui n'était pas encore Bibliothèque nationale de France. Vous racontez, d'ailleurs, je trouve ça très drôle, c'est que la Bibliothèque nationale se faisait refourguer les exemplaires les moins prestigieux. Oui, tout à fait. Alors, le dépôt légal, c'est une vieille procédure qui a été réaffirmée par Napoléon, qui oblige donc les imprimeurs à déposer, d'où le nom de dépôt légal, déposer aux autorités un certain nombre des exemplaires de tout ce qu'ils fabriquent. Le but, il est double. Il est à la fois de contrôler ce qui paraît en France, dans un but de censure, de vérifier, une fois que les autorités ont reçu les ouvrages, on pourra les feuilleter, voir s'ils ne diffuse pas des idées subversives, d'un point de vue politique, moral ou religieux. Et puis, il y a aussi un but de conservation, hein, patrimoniale. La majeure partie des collections de la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui ont été constituées par ce dépôt légal, hein, par tout ce que la bibliothèque a récupéré des imprimeurs au 19e siècle. Bon, alors, les imprimeurs traînent un peu parfois des pieds, les éditeurs, les imprimeurs, parce que finalement, c'est des exemplaires dont ils doivent se débarrasser gratuitement. Et donc, dès qu'il y a un ouvrage qui a été mal fait, il y a une erreur dans l'impression, comme ça peut arriver, eh ben on va en profiter pour refourguer en effet cet exemplaire-là à la Bibliothèque nationale. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, parfois dans les collections, on tombe sur des éditions qui sont incomplètes, où il manque des pages, parce que voilà, c'est des volumes ratés, c'est des rebuts dont on se débarrasse. Mais bon, c'est quand même assez rare et ponctuel. Oui, c'est rare et ponctuel, mais malgré tout, c'est ainsi que le lecteur de la Bibliothèque nationale qui souhaite consulter le 3e volume de l'abrégé de l'histoire de France de Victor Duruy, édité en 1852, pourra constater que l'ouvrage s'arrête en plein milieu d'une phrase à la page 264. Voilà. C'est ce que vous écrivez, voilà. Bon ben, oups. C'est très étonnant d'ailleurs, dans cette réflexion sur la diffusion du livre et sur l'histoire du livre, que l'histoire de France de Victor Duruy, qui a connu un succès considérable, ne serait-ce que dans son histoire de l'édition, première édition, etc., et les différentes éditions, ce n'est pas évident, en fait, de retrouver les premières éditions dans nos bibliothèques publiques. Non, c'est pas évident, parce que très souvent, pour ces ouvrages qui sont régulièrement réédités, bah, une fois qu'il est réédité, la réédition semble évidemment plus actuelle que la précédente, donc on va se débarrasser de la précédente. Bon, ce qui peut évidemment arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, j'ai retrouvé assez peu de traces de la première édition. On l'a évidemment à la Bibliothèque nationale parce qu'elle a été déposée de manière obligatoire. On en a une à la Bibliothèque de Versailles. Et la seule autre édition que j'ai retrouvée dans une bibliothèque publique, c'est à Athènes, dans la Bibliothèque nationale grecque. Mais voilà, il y a peut-être d'autres éditions que j'ai pas retrouvées ailleurs, et je suis preneur de toute indication à ce sujet. Mais en effet, pour ces livres qui sont pas de grande qualité, qui n'ont pas de valeur bibliophilique, hein, c'est pas des belles éditions. C'est vraiment très une littérature très industrielle, des livres industriels, eh ben on se débarrasse assez facilement d'une ancienne édition quand on reçoit la nouvelle, parce que ça prend de la place, sans garantie que quelqu'un un jour viendra vouloir pour la consulter, ce qui est bien dommage évidemment pour ceux qui le veulent un jour. Ah oui, ils n'ont pas pensé qu'un jour Jean-Charles Lescot voilà. Viendrait demanderait cette première édition. Et puis pour terminer quand même, il y a cette diffusion de l'ouvrage, il y a tous les métiers du transport, et ça c'est très important, mais le libraire. Au 19e siècle, quel est ce statut de libraire? Il est très différent de ce que nous entendons aujourd'hui sous ce mot de libraire. Oui, il prend des formes extrêmement variées parce que il y a une infinité de, alors une infinité peut-être pas, mais une grande diversité de métiers de vendeurs de livres quelque part. Aujourd'hui, on a les librairies de quartier, les grandes surfaces de librairies, les coins librairies dans les grandes surfaces commerciales type hypermarché ou bien les librairies en ligne. Au 19e siècle, on a un choix beaucoup plus large entre alors ce qui ressemble aux librairies de quartier actuelles, les librairies dans les grands magasins qui vont se développer dans le dernier tiers du 19e siècle, mais aussi tous les colporteurs qui vont de village en village, c'est des sortes de librairies ambulantes, hein, qui vont avoir dans leur panier des imprimés qu'ils vont vendre, mais à côté de mouchoirs, de bijoux, de tout ce que vous voulez, d'objets religieux. Vous avez également les bouquinistes, vous avez également tous ces petits libraires des petites villes de province qui sont en même temps quincaillers ou tout ce que vous voulez, parce que y a peu d'acheteurs pour les livres. Donc, il vaut mieux avoir une autre activité pour être sûr de boucler les fins de mois. Vous avez aussi des livres qui se vendent dans les épiceries du coin. À l'époque, c'est un objet comme un autre, véritablement. Donc voilà, vous avez toute une gamme de possibilités. J'ai pas évoqué les grandes librairies parisiennes des éditeurs, type Hachette, Flammarion, qui évidemment ressemblent. En se baladant aujourd'hui dans les rues de Paris, dans le Quartier Latin, on retrouve les frontons de ces grandes maisons d'édition qui avaient leur librairie. Voilà, c'est une grande diversité d'activités, de formes de librairie qu'on peut trouver à l'époque. Jean-Charles Gesselot, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. C'est l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et vous proposez cette histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy. Mais nous vous avons entendu, c'est bien plus que l'histoire de ce livre, c'est l'histoire du livre, et sans doute même au-delà. En tout cas, c'est un plaisir de lecture pour nous tous et toutes qui aimons le livre dans sa matérialité, bah, savoir sa construction, c'est toujours aussi pertinent. Merci vivement à vous de cette histoire d'un livre. Il est temps de retrouver maintenant Gérard Noiriel avec, alors là aussi, une autre histoire, celle du pourquoi du comment. Pourquoi le marchandage a-t-il été interdit en 1848 ? Le développement des nouvelles technologies et la force croissante du management néolibéral ont beaucoup contribué au développement de la sous-traitance depuis une trentaine d'années, à tel point qu'on assiste au retour à des formes de relations entre patrons et salariés qui rappellent une époque où le droit du travail n'existait pas encore. Il faut néanmoins rappeler que la logique de la sous-traitance se heurte à une limite qu'on appelle le marchandage. Le droit définit cette pratique comme une opération à but lucratif visant à fournir de la main-d'œuvre, mais qui a pour effet de causer un préjudice aux salariés qu'elle concerne en contournant la législation du travail. La répression du marchandage est un acquis de la révolution de février 1848. Le 2 mars, le gouvernement provisoire mis en place après la chute de Louis-Philippe, considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité, a adopté un décret abolissant l'exploitation des ouvriers par les marchandeurs. À cette époque, le marchandage était très fréquent. Il permettait à un chef d'équipe de sous-traiter un travail et, après avoir fixé un tarif avec le patron, de payer lui-même les membres de son équipe. Mais cette pratique faisait l'objet d'interprétations contradictoires au sein du monde ouvrier. Pour en comprendre les raisons, il faut rappeler que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les petites entreprises artisanales ont joué un rôle essentiel dans l'activité industrielle de la France. Les patrons étaient encore proches de leurs ouvriers et les va-et-vient entre les deux conditions étaient fréquents. Ceux qui dénonçaient le marchandage reprochaient aux chefs d'équipe qui les avaient recrutés de réduire au maximum la part de leurs gains pour s'en mettre plein les poches. À l'inverse, les partisans de cette relation de travail mettaient en avant les liens entre patrons et salariés pour définir le marchandage comme une forme d'association ouvrière où le marchandeur n'était que le délégué d'une petite équipe de travailleurs soudés entre eux par des liens souvent familiaux. Le même genre de clivage traversait alors le monde politique. En 1848, les libéraux, comme Adolphe Thiers, s'insurgèrent contre la prohibition du marchandage, considérant que ce décret était une atteinte à la liberté des travailleurs. « Oui, je désire pour ma part que l'ouvrier qui n'a que ses bras puisse aussi participer aux bénéfices de son maître, devenir capitaliste à son tour et s'élever à la fortune. » La gauche socialiste, qui s'engagea dès ce moment-là dans un long combat en faveur de l'État social, remporta la bataille contre le marchandage à la fin du XIXe siècle, quand les formes antérieures d'autonomie ouvrière s'effondrèrent. Le scandale du travail à domicile, qui toucha surtout la main-d'œuvre féminine dans l'industrie de la confection, discrédita complètement le marchandage dans l'opinion publique. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le « sweating system », le système de la sueur, sur lequel je reviendrai dans une autre l'émission chronique. Et après je dois envoyer la philo. Et maintenant, nous allons retrouver Gérard Noiriel sur le site internet franceculture.fr et l'application Radio France avec son pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delacroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou.